Chapitre 7e. Si les confidences d'Anna avaient trouvé peu de sympathie auprès de sa belle-sœur, il en fut tout autrement quand, le soir même, elle consulta le pasteur Manske. Désireuse de trouver appui et conseil, et pressée de découvrir au plus tôt les 12 objets de ses projets philanthropiques, elle n'avait point perdu de temps, et tout de suite après dîner, elle lui avait exposé son idée aussi clairement qu'elle put en un allemand très élémentaire. Manske était un brave homme, pas trop savant ni raffiné, candide, sentimental à l'excès, fort enclin à lâcher la bride à son éloquence sur des sujets tels que l'auguste nature, les chers petits-enfants, la femme ange gardien du foyer, etc., etc. Et presque aussi naïf, aussi ignorant de la science de la vie que pouvait l'être Anna elle-même. À l'audition de ce plan mirifique, son ravissement fut extrême. Généreux, admirable, sublime, colossal! « Cher Fräulein, noble Fräulein » répétait-il, les mains jointes, fixant sur Mrs. Cord un œil extatique et mouillé, tandis qu'Anna attendait, embarrassée et rougissante, que ce flot d'éloges fût épuisé, se disant qu'on fait ridicule et saute figure à se voir ainsi louer en face avec extravagance. Mais à vrai dire, la figure qu'elle faisait était tout autre que ridicule. Vêtue d'une souple robe blanche, les cheveux dorés simplement séparés en bordeaux et fixés sur la nuque en une masse soyeuse et superbe, jolie à ravir et parfaitement oublieuse de ce fait, il eût été impossible au plus rude, au plus ignorant des hommes, de n'être point frappé de sa grâce. Le brave pasteur en était fort honnêtement touché. Le mot « ange » lui montait à la gorge, et toujours depuis, lorsqu'attablé sous la tonnelle devant sa bouteille de bière, il se livra aux pieuses pensées et hebdomadaires du dimanche. Les chérubins et séraphins qui jouaient un rôle important dans ses méditations se présentèrent à lui sous une forme déterminée. Il leur prêta désormais une blanche robe de la bonne faiseuse, les traits charmants, la forme svelte de Mrs. Cord, tout sans excepter ce qu'une demi-toilette du soir laissait entrevoir de blanches épaules et que l'œil pastoral pouvait à bon droit regarder comme supraterrestre, si l'on considère que les charmes féminins était représenté autour de lui par les formes exubérantes de solides matrones telles que Madame Delvig et Madame Manske. Tandis qu'Anna et le pasteur s'entretenaient ainsi, cette même Frau Manske, assise au bord de sa chaise et ficelée dans sa plus belle robe, prêtait à l'autre bout du salon une oreille distraite au discours de Miss Leach, dévorée de curiosité au sujet des confidences, qui pouvait faire pousser à son époux tous ses « hauts » et tous ses « ah » et agiter personnellement de doutes pénibles à l'endroit de l'hospitalité qu'elle était en train de goûter. Elle se sentait désappointée et lésée par la disparition soudaine de Lady Estcord. Froissée de ne s'être pas vue invitée à prendre sur le sofa la place consacrée, surprise et même indignée de n'avoir pas été pressée à table de revenir à tous les plats, bien plus que personne n'eût paru s'apercevoir si elle mangeait ou non. Ses manières étaient étranges pour n'en rien dire de plus sévère. Autre sujet de préoccupation, pourquoi les Delvig n'étaient-ils pas de la fête? D'où venait pour les uns cet excès d'honneur, pour les autres cette indignité? Certes, il fallait, si l'on était humaine, jouir d'une élévation aussi inattendue. Mais quels en seraient les résultats? La pastorine ne se le demandait pas sans angoisse, et à chaque reprise de respiration, la soie de son corsage faisait entendre des craquements inquiétants. Comment eût-elle deviné qu'Anna, dans son ignorance, regardait le pasteur comme un dignitaire et un égal, tandis que d'autre part, l'idée d'inviter à sa table le régisseur et sa femme ne pouvait même lui traverser la cervelle. Le plus sage parti à prendre, dit Manske, lorsqu'il eut épuisé les dithyrambes, serait de mettre une annonce dans un journal chrétien, s'entend. Pas en mon nom, n'est-ce pas? Non, non, il nous faut être discret, très discret. L'annonce devra être rédigée avec adresse et prudence. Que penserait la gracieuse Miss d'adresser les candidates à moi tout d'abord? Mais je vous en serais mille fois reconnaissante si le dérangement... Dérangement? Mon âme est inondée de joie à la pensée de collaborer en quelque mesure à une si belle œuvre. J'imaginais peu que notre pauvre coin de terre allait devenir un lieu d'élection, un refuge béni, un hôtel odoriférant, ou le parfum de la charité. Non, non, ne dites pas charité, proteste Anna. Montera nuit et jour vers le ciel, encens précieux, agréable entre tous à la divinité, poursuit le pasteur, décidé à arrondir sa période. Telles sont les célestes surprises que nous réserve la Providence. Que diriez-vous d'esquisser sans tarder cette annonce, Diana, désireuse d'agir sans plus de phrases et s'armant d'un crayon ? Je ne fierai pas mon allemand, surtout pour une affaire de nature si délicate. Et moi-même, j'aurai à peser les mots, conseille Manske d'un air profond, car il faut avant tout tâcher de ne pas se laisser tromper. Triste, n'est-ce pas, qu'en pays chrétien, il se trouve des imposteurs. Trois fois triste, quand ces imposteurs appartiennent aux personnes du sexe. Pourtant, la chose se voit tous les jours. Armons-nous de prudence, dit Anna avec un sourire. Je compte sur vous pour me signaler parmi nos correspondantes celle qui serait de personnalité douteuse. Ah, ce ne sera pas facile, Pemanske, sentant vaguement que son expérience en ce qui touche les dames de noble origine est plus que limitée. Supposons qu'une candidate, jugée par moi recommandable, disparaisse un beau jour avec l'argenterie. Ah, ce ne sera pas facile. Tant pis, il faut se risquer, dit Anna vaillamment. Peut-être, après tout, ne se présentera-t-il que d'honnêtes personnes. Comment débutons-nous? Une dame chrétienne, de nobles sentiments, donne un asile dans sa maison. Je n'aime pas beaucoup ce commencement, dit Anna, hésitante. Ne pourrions-nous pas laisser de côté les nobles sentiments? Si vous le préférez. La modestie est le plus bel ornement de la vertu, prononça le pasteur onctueux. Puis dictant de nouveau, une dame chrétienne. Mais pourquoi chrétienne? Ne pourrait-on mettre simplement une dame? Non, tranche le révérend avec décision, cela ne se peut. Anna s'incline, ayant écrit avec une légère variante, lit tout haut. Une dame chrétienne offre l'hospitalité. Un certain nombre d'autres dames qui seraient sans ressources, reprend Manske, dictant de nouveau. Sans amis et sans espérance, ajouta Anna, écrivant. Good, good, sehr good, très bien. Elle serait heureuse de partager avec elle tout ce qu'elle possède de fortune et de bonheur, finit la jeune fille. Est-ce correct comme forme? Parfaitement correct. J'ajouterai, avant de donner suite à aucune demande, une enquête sera faite par M. le pasteur Manske de l'Orme. Toutes les personnes qui se présenteront devront être des dames de bonne famille tombées dans le besoin par la sainte volonté de Dieu. Voilà qui est fait, dit Anna, omettant la phrase pieuse de la fin et tendant le papier à son conseiller. Le style de ce morceau ne me plaît pas entièrement. J'aurais voulu quelque chose de plus soutenu, de plus noble. Pour une annonce, certainement. Beaucoup de gens la liront, et nous ne devons négliger aucune occasion d'édifier le public. Le public, mais je n'ai aucune intention d'édifier le public. C'est un tort, laissez-moi vous le dire, gracieuse demoiselle. Qu'est-ce que le public, sinon un composé d'unités? D'unités semblables à nous. D'unités en pèlerinage comme nous vers la Jérusalem céleste. D'unités courbées comme nous sous des fardeaux pesants, assaillies des mêmes tentations, encouragées par les mêmes espérances. Le pasteur sent avec joie s'arranger dans sa tête une de ces belles improvisations. Anna est obligée de subir un sermon en trois points sur les unités. Les membres du clergé allemand étant tenus de parler en chair extempore, acquièrent, grâce à cet exercice constant, une facilité de parole qui se manifeste en toute saison et hors de saison sans qu'il existe aucun moyen connu d'arrêter le flot de leur éloquence. Mon Adolphe se surpasse, pensait de loin l'épouse rayonnante lorsqu'elle perçut les accents bien connus des heures d'inspiration. J'aurais à vous consulter sur un autre point, plaça Miss Estcourt à la première pause. Mon oncle me recommande de prendre une dame de compagnie allemande qui m'aiderait de son expérience dans la tenue de la maison. Rien de plus facile à trouver, dit Manske, passant avec la plus parfaite aisance du ton grandiloquent aux gens familiers. Mais ne vous semble-t-il pas que les douces sont indiquées pour vous seconder ainsi, c'est bien le moins qu'en retour de votre générosité? Ah non, c'est justement ce que je ne veux pas. Je désire écarter jusqu'à l'ombre d'un paiement entre nous. Je ne leur demanderai que d'être heureuses ici. C'est l'unique condition du marché que je voudrais conclure avec elles. Ah, c'est noble, c'est grand, c'est beau, éclate le pasteur, revenant au mode lyrique. Presque aussi naïf qu'Anna, ce que son projet avait d'impraticable et chimérique était précisément ce qui le séduisait. Tandis que de la personne en question, j'attendrai des services précis en retour d'émoluments déterminés. Parfait, parfait. Je trouverai aisément votre affaire. Ma femme a une sœur. Et il vend la voix. Lieber Schatz, cher trésor, que fait ta sœur Elena en ce moment? Heureux d'échapper enfin à l'allemand spasmodique de Miss Leach, la pastorine accourt avec célérité. « Que dis-tu, cher Adolphe ? » demande-t-elle, appuyant la main sur son épaule. Le pasteur prend cette main, la caresse, la baise, et finalement passe un bras autour de la taille épaisse de sa moitié. Le tout à la joie intense de Letty, pour qui un pareil spectacle a la fraîcheur de l'absolue nouveauté. « Je te demandais, mon trésor, si ta sœur Helena est en ce moment sous le toit paternel ?» répète Manske, appuyant sa question d'un tendre regard. Car chez lui, les manifestations d'amour conjugal sont toujours en raison directe du nombre de la qualité des spectateurs. « Ne voulez-vous pas vous asseoir, madame ?» suggère Anna. « Non, non !» fait Manske, serrant son épouse plus près de lui avec un enjouement pastoral. « Là est sa place, car elle est mon ange gardien !» se mirant dans ses yeux. « Mon égide, la mère de mes petits-enfants !» La gracieuse Miss se rappelle les lignes immortelles de Schiller. « Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben. » Honorez les femmes, elles filent les tisses des roses célestes dans la vie terrestre. Telle a été l'occupation de ma compagne bien-aimée depuis l'heure bénie où elle consentit à marcher à mes côtés dans le chemin qui mène au ciel. Pas un jour, pendant ces 25 ans, qui était pour moi privé de roses. 10 enfants sont venus embellir notre union. Dont 6 nous ont été enlevés en bas âge, intercale la pastorine. C'est juste, mon trésor, mais tu n'oublies jamais, j'espère, de bénir la main qui nous a frappés, d'adorer les décrets de la Providence, fait Manske avec majesté. Puis il se lance un bride abattu dans une description bien nourrie des 4 enfants que le Seigneur lui a laissés, si bien que, submergé par son sujet, Miss Estcourt le voit, non sans un certain soulagement, perdre de vue sœur Helena et la seconde annonce, car il ne lui plairait guère de voir perpétuellement à ses côtés une seconde édition de Frau Manske. Mais quelques hasards de parole ayant remis un autre tableau devant son souvenir, il quitte subitement les effusions paternelles, se mettant en devoir de décrire à sa femme le projet charitable, grandiose, sublime, qui a pris naissance dans la tête de la gracieuse Miss. Anna se résigne comme elle peut à entendre de nouveau ses louanges, vaguement déconcertée par l'expression du visage de la femme du pasteur. Que cette dame écoute avec le plus vif intérêt, avec la plus ardente curiosité tous les détails de son plan, on n'en peut douter. Qu'elle lui accorde la moindre sympathie, c'est une autre affaire. Anna se sent tout d'un coup plus reconnaissante pour l'accueil que Manske a fait à ses confidences. Le pauvre homme a ses côtés fâcheux, ce n'est pas niable. Mais il a de la générosité de cœur, et pas un instant, les difficultés mercenaires de l'entreprise ne sont venues refroidir son enthousiasme. Quant à la femme, elle paraît n'y voir autre chose que la question d'argent. « La dépense sera colossale, » dit-elle après un moment de muette délibération. Puis, mesurant Anna des pieds à la tête, « Mais la gracieuse demoiselle est riche. » C'est tout son commentaire. En regagnant à travers champs le presbytère, on se met d'abord en devoir, selon la règle, de discuter minutieusement chaque plat du dîner, et Frau Manske exprime l'opinion décidée que ce banquet n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Cette question vidée, elle passe à autre chose. Il est donc vrai, Adolphe, que ces Anglais ont tous, comme on le prétend, une fêlure dans la cervelle. Que veux-tu dire? Tu le demandes. Un projet comme celui de Miss Estcourt peut-il naître ailleurs que dans une tête de démente? Démente? Tu appelles ça de la démence? S'écrie Manske, transporté d'indignation. Et c'est ma femme, la femme d'un ministre du Seigneur, que j'entends appliquer un terme d'opprobre à une pensée si belle, un projet admirable, une œuvre sainte, noble, chrétienne entre toutes, qui sera l'honneur de notre coin de terre, qui montre une odeur agréable au pied du trône de l'Éternel. Mais pourtant, dilapider ainsi tout ce bon argent, insiste la pastorine. « Y songes-tu? Ces chrétiens, je ne dis pas non, mais c'est fou tout de même. Femme, tais ton bec !» rugit le pasteur, hors de lui, et ne me fais plus entendre de si basse considération. Et l'on parcourt, dans un silence inaccoutumé, le reste du chemin. Ce fut là, sans doute, un des rares moments de leur vie conjugale où Frau Manske eut oublié de filer et tisser des roses.